Manado. Comisario Ismael B. Hey. Pinyo ko sa mandan Katabas amung madala Pinyo ka tamang suke Katabas amang waste Alitipas ka na mabung So sida kwa bata Mange Maurice Lubao, de la nouvelle génération La paix du succès Président Ekwe Blaise Toujours le président des présidents Sam Fantoma, le maître à jouer Tá bom,